Comme on allait regagner Boulogne, un nouveau coup de vent se déchaîna, et le petit bateau recommença sa course folle, bondissant et culbutant, secouant le triste blessé. La nuit vint. Le temps fut gros, jusqu'à l'aurore. Au soleil levant, on apercevait de nouveau l'Angleterre, mais, comme la mer était moins dure, on repartit pour la France, en louvoyant. Vers le soir, Javel Cadet appela ses camarades et leur montra des traces noires, toute une vilaine apparence de pourriture sur la partie du membre qui ne tenait plus à lui. Les matelots regardaient, disant leur avis. « Ce pourrait bien être le noir, » pensait l'un. « Faudrait de l'eau salée là-dessus, » déclarait un autre. On apporta donc de l'eau salée et on en versa sur le mal. Le blessé devint livide, grinça des dents, se tordit un peu, mais il ne cria pas. Puis, quand la brûlure se fut calmée, « Donne-moi ton couteau, » dit-il à son frère. Le frère tendit son couteau. « Tiens-moi le bras en l'air, tout droit, tire dessus. » On fit ce qu'il demandait. Alors, il se mit à couper lui-même. Il coupait doucement, avec réflexion, tranchant les derniers tendons avec cette lame aiguë comme un fil de rasoir. Et bientôt, il n'eut plus qu'un moignon. Il poussa un profond soupir et déclara « Fallait ça, j'étais foutu. » Il semblait soulagé et respirait avec force. Il recommença à verser de l'eau sur le tronçon de membre qui lui restait. La nuit fut mauvaise encore, et on ne put atterrir.